encore et toujours à la recherche du bonheur malgré tous nos bons conseils du vendredi? Ne désespérez plus. Pour Noël, offrez-vous le nouveau radio éveil connecté iBuddha. Fini le temps perdu à méditer dans la journée. Connecté en Wi-Fi à votre mental, le radio éveil connecté iBuddha détecte le moment propice de votre éveil spirituel et chasse instantanément votre ego et vos attachements matériels divers et variés. Grâce à son simulateur d'illumination, vous vous éveillez chaque matin avec un sentiment léger de plénitude, vous ouvrant enfin les portes du nirvana. Également, après une nuit agitée à ruminer, l'iBuddha déclenche automatiquement la playlist Calme intérieur pour un éveil tout en douceur. Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Ah non, c'est pas celle-là. Bref, pour rester éveillé toute la journée, choisissez le nouveau radio éveil connecté iBuddha.